بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في حديث ويل للأعقاب من النار et donc nous continuons donc à parler ce soir du hadith. Nous allons terminer l'explication du hadith ويل للأعقاب من النار, malheur aux talons délaissés qui risquent d'être touchés par le feu. فهناك مسألة لم نتطرق إليها بالأمس. Il y a un sujet que nous n'avons pas abordé hier. هل يجوز الدلك أو هل يجب الدلك؟ Est-il obligatoire de frotter le membre qui doit être mouillé? Par exemple, le bras. Est-ce qu'il m'est obligatoire de frotter le bras? Ou est-ce qu'il m'est obligatoire de frotter le pied? Comme on peut voir souvent certaines personnes qui, lorsqu'ils vont laisser le robinet couler, mettent le pied en dessous du robinet, et une fois que le pied est entièrement mouillé, khalas. Est-ce que cette façon de faire est correcte ou pas? قال الجمهور وهم الحنابلة والشافعية والحنفية بأنه لا يشترط الدلك. La majorité des savants, c'est-à-dire les savants de l'école Hanbalite, Shafi'ite et Hanafite, ils voient que il n'est pas conditionné, ce n'est pas une condition de frotter le membre. لأن المقصود بالغسل هو إيصال الماء إلى جميع الأعضاء المطلوبة غسلها. Car ce qui est voulu par laver le membre, c'est le fait de faire parvenir l'eau à tous les membres qu'il est demandé de laver. C'est ça qui est voulu par le mot laver, c'est en fait le fait de faire parvenir l'eau à ce membre. وقال الإمام مالك باشتراط الدلك لأن الغسل لا يحصل إلا به. Et l'imam Malik, lui, il a mis comme condition donc le fait de frotter. Pourquoi? Parce que donc selon l'imam Malik, le fait de laver le membre ne peut se faire sans le frotter. Le fait de laver le membre ne peut se faire sans le frotter. وقال ابن تيمية رحمه الله بوجوب الدلك إن لم يمكن إيصال الماء إلى الأعضاء المطلوبة إلا به وإلا فلا. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله, il dit qu'il est obligatoire de frotter le membre si il n'est possible de faire parvenir l'eau à ce membre que par le fait de le frotter. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Comme par exemple, on va dire, le fait de faire parvenir l'eau entre les orteils, donc du pied. Là, c'est un endroit qui peut être difficile. Parfois, tu vas mettre l'eau de ton pied en dessous du robinet, tu peux rester une minute comme ça, et l'eau, elle n'est pas parvenue à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'angle, etc., etc. Et donc là, j'ai relayé Ibn Taymiyyah qui dit que si tu ne peux faire parvenir l'eau à ce membre-là que par le fait de le frotter, à ce moment-là, il est obligatoire de le frotter, sinon ce n'est pas obligatoire. والقول بعدم الاشتراط هو اختيار العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى فقال إن الدلك شرع للتأكيد من إيصال الماء إلى الأعضاء. Et l'avis qui stipule que ce n'est pas une obligation de frotter le membre, c'est le choix du très grand savant, le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, qui dit que le fait de frotter le membre a été légiféré pour s'assurer que l'eau parvienne à celui-ci. وَالَّذِي أَنْصَحُ بِهِ إِخْوَتِي أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْخِلَافِ. Et le conseil que je donne à mes frères est de sortir de la divergence. فإن المرء إن غسل قدمي ودلكهما فقد صح وضوءه عند جميع العلماء. Car l'individu, s'il lave ses deux pieds durant les ablutions, en les frottant, alors là, ses ablutions sont authentiques pour l'unanimité des savants. Chez tous les savants, ses ablutions sont authentiques. Alors, repose-toi l'esprit et sors de la divergence tant que c'est possible. Incha'Allah ta'ala. Wa qad sa'alani ba'du ikhwanina 'an al-masah. Certains frères hier m'ont interrogé concernant al-masah, le fait d'effleurer les chaussons. فأجبتهما في الخاص وأردت أن أدخل هاتين المسألتين في الدرس. Et je leur ai répondu en privé, mais je voulais faire rentrer ces deux questions qui m'ont été posées dans le cours. ولكن الظاهر أننا سنؤخر الكلام في هاتين المسألتين إلى باب المسح على الخفين. Mais cependant, le plus apparent, c'est que on va retarder le fait d'aborder ces deux sujets lorsque on va aborder bi'idhnillahi ta'ala le chapitre du fait d'effleurer les chaussons. Inch'Allah ta'ala. Idhan nantaliku ila al-hadith al-rabi'. Et donc, on va aborder donc le hadith numéro 4. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal, إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ولمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Et donc le hadith numéro 4 selon Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions alors qu'il met de l'eau dans son nez puis qu'il l'expulse ou qu'il le fasse sortir, donc faire sortir l'eau de son nez. Et celui qui se purifie, donc se purifie les parties, avec des pierres, alors qu'il le fasse d'un nombre impair. Et celui d'entre vous qui se réveille après avoir dormi, alors qu'il lave ses deux mains avant de les rentrer dans le récipient, trois fois. Car aucun d'entre vous ne sait où ses deux mains ont passé la nuit. Et dans une version... dans l'imam muslim, فَلْيَسْتَنْشِقْ, alors qu'il aspire l'eau par ses deux narines. Et dans une autre version, مَنْ تَوَضَّعَ فَلْيَسْتَنْشِقْ, alors celui qui fait ses ablutions, alors qu'il fasse الاستنشاق, qu'il aspire l'eau par son nez. هَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ مَسَائِلْ عِدَّةِ. Il y a dans ce hadith plusieurs sujets, comme vous avez pu le constater. Nous allons aborder certains sujets et nous allons délaisser certains autres pour un autre moment qui sera plus approprié, inshallah ta'ala. Fal hadith fihi al-istinshaq ay idkhal al-ma'i ila al-anf wal istinthar ay ikhraj al-ma'i min al-anf athna' al-wudu. Et donc il y a dans le hadith le fait de al-istinshaq, le fait de faire rentrer l'eau dans le nez. Comme il y a aussi al-istinthar, le fait de faire sortir l'eau du nez durant les ablutions. Wal kalamu hawla al-madmada wal istinshaq wal istinthar nu'akhiruhu ila sifat wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'explication concernant al-madmada, le fait de rentrer l'eau dans la bouche et de remuer cette eau. Al-istinshaq, aspirer l'eau par le nez. Al-istinthar, faire sortir l'eau du nez. Nous allons aborder tout cela lorsqu'on verra la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah ta'ala. Wal-hadithu fihi al-istijmar. Il y a dans le hadith al-istijmar, le fait de se purifier avec les pierres, après avoir donc accompli ses besoins. Wal hadith dalilun ala mashru'iyyati al-istijmar. Le hadith est une preuve montrant la licéité d'utiliser les pierres pour se purifier les parties après avoir accompli les besoins. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man istajmara falyutir ay falyataharrar witr. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui se purifie avec les pierres, alors qu'il le fasse de nombre impair. Les savants ils disent, c'est-à-dire qu'il s'efforce au maximum d'utiliser un nombre impair de pierres pour faire cet acte. Wa jaa fi sahih Muslim min hadith Salman annahu qila lahu. Il a été rapporté dans Sahih Muslim le hadith de Salman qui lui a été dit qad 'allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ah. Certes, votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire les besoins. C'est des juifs qui ont dit ça à Salman, le pharisi, pour se moquer de lui. Votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Il voulait se moquer de lui. Mais Salman, qu'est-ce qu'il a dit? Adjel, bien sûr. Bien sûr, il nous a tout enseigné, même comment faire nos besoins. Et c'est là qu'on voit que cette religion, elle est vaste. Et on voit la grande erreur qu'ont accompli certains lorsqu'ils délaissent la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il n'a pas expliqué comment faire et comment faire, et se retournant vers autre chose que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a tout enseigné, même comment faire nos besoins. Et donc Salman al-Farisi, il répond, Ajel, bien sûr, il nous a tout enseigné. Et ensuite il dit, لَقَدْ نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِرَائِتٍ أَوْ بَوْلٍ. Certes, il nous a interdit de nous mettre en direction de la Qibla pour les selles et pour l'urine. أَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ. Et il nous a interdit de nous purifier après les besoins en utilisant la main droite. أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. Il nous a interdit de nous purifier les parties en utilisant moins de trois pierres. Et il nous a aussi interdit de nous purifier les parties en utilisant des excréments d'animaux ou des os. Idan, la yajuzu l'istijmar bi'akol min thalathati ahjar. Et donc, il n'est pas permis de se nettoyer les parties avec moins de trois pierres. Wa in qala ba'du al-ulama inna an-nahya huna al-maqsud minhu al-kiraha. Même si il y a certains savants qui ont dit que ce qui est voulu par l'interdiction ici dans le hadith de Salman, c'est que c'est détestable. Ils disent donc que c'est détestable d'utiliser moins de trois pierres. Pourquoi ils disent? Parce que ce hadith là, qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie ce hadith? Ils disent « Al-maqsoudu minhu »« Anna al-ghalib »« Fil-ghalib »« Al-najasatu la tazoul »« Bi-akol min thalathati ahjar » Ils disent ce qui est voulu par le hadith, c'est qu'en général, l'impureté, elle ne va pas partir avec moins de trois pierres. Ils disent voilà ce qui est voulu par là, dans le hadith. « Walakin »« Al-nahyu ja'a sarihan fil-hadith » Cependant, l'interdiction, elle est venue clairement, elle a été citée clairement dans le hadith. Et il y a une règle qui stipule que an-nahyu yufidu at-tahrim. L'interdiction implique le fait, le jugement que ça soit interdit et pas détestable. Illa in ja'a amr yasrifuhu ila al-istihbab. Sauf s'il y a quelque chose qui va faire passer cette interdiction au fait qu'il soit détestable. Comme le fait que le prophète, il interdise de faire quelque chose et qu'il le fasse. À ce moment-là, les savants, ils vont dire, il l'a interdit. Et il l'a fait pour montrer que ce n'est pas interdit, mais que c'est détestable. Et donc ici, on a une interdiction claire. Mais on n'a pas de preuve qui montre que c'est détestable. Fait al-qawl al-aqwa, et donc l'avis le plus fort, c'est qu'il est interdit d'utiliser moins deux, trois pierres, comme je l'ai expliqué précédemment. فَإِنْ إِسْتَعْمَلَا ثَلَاثَةَ أَحْجَرٍ. Et donc, si l'individu utilise trois pierres, وَبَقِيَةِ النَّجَسَةَ مَوْجُودَةَ. Et malgré cela, l'impureté, elle est toujours présente. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute encore. Il juste quoi? Non. Moustahil. Parce que toi, tu parles, je sais de quoi tu parles. Ce dont tu parles, on va le voir à la fin du cours. Moi, je parle, je dis bien. Il a nettoyé. C'est parti avec trois pierres. Et l'impureté, elle est encore là. Je n'ai pas dit la trace. On fait la différence entre les traces et l'impureté en elle-même. Ça, on va voir à la fin du cours, Inch'Allah. Hein? Il rajoute deux. Et donc, il rajoute, il continue encore. Walakin yutir. Yaqta'u dhalika witran. Il s'assure donc de finir avec un nombre impair. Et donc, ça sera 5. S'il rajoute un quatrième, il rajoute après cela une cinquième pierre pour avoir un nombre impair. Wa mas'alatun ukhra. Hal yajuzu al-istijmar bi ghayr al-ahjar? Est-il permis de faire al-istijmar avec autre que les pierres? Quel menadil, مثلاً, comme les, donc le papier toilette. On voit à la mosquée, il y a du papier toilette. Mais c'est permis ou c'est pas permis? Et donc c'est permis ou c'est pas permis? فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ. Il y a dans ce sujet deux avis chez les gens de science. الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالِ غَيْرِ الْأَحْجَرِ لِلْإِسْتِجْمَارِ لِأَنَّ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأَحْجَرُ فَقَطْ. Le premier avis, c'est qu'il n'est pas permis d'utiliser autre que des pierres pour se purifier les parties, car il n'y a que les pierres qui ont été citées dans les hadiths. Al-Nawawi, il attribue cet avis à Al-Zahiriya, à Bard al-Zahiriya. Wal-Qawl al-Thani, le deuxième avis, huwa qawl al-jamahir li ahli al-ilm. C'est l'avis de la grande majorité des savants. Annahu yajuzu al-istijmar bi ghayri al-ahjar mimma yaqumu maqamuha fi al-inqa. Et donc, le fait qu'il soit permis d'utiliser autre que les pierres parmi les éléments qui vont purifier tout comme les pierres. Et donc, parmi les éléments qui vont purifier tout comme les pierres. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ سَلْمَانِ الْفَارِسِ. Et donc, leur preuve, c'est le hadith de Salman al-Farisi que je vous ai cité tout à l'heure. Celui qui m'explique la preuve dans le hadith de Salman, je lui offre ce livre. Donc, je vais répéter le hadith. Le hadith de Salman, on a vu tout à l'heure, donc, il a été interrogé. Ils lui ont dit, certes, votre prophète, il vous a tout enseigné, même comment faire les besoins. Il a dit, bien sûr, il nous a certes interdit de nous mettre en direction de la Qibla pour les selles et l'urine. Il nous a interdit de nous purifier les parties avec la main droite. Il nous a interdit de nous purifier les parties avec moins de trois pierres. Et il nous a interdit de nous purifier les parties avec des excréments d'animaux ou des os. Donc le hadith, l'explication, la preuve, et donc en cadeau, le livre, le takfir, entre extrémisme et laxisme, revu et corrigé par notre frère Abdullah Abou Ibrahim. On a interdit, il a dit qu'il a interdit les excréments et les os. Donc, autre chose n'est pas interdit. Bien. Et donc, en fait, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an al-istijmar bi العظم والرجيع. Donc le prophète, il a interdit de se purifier avec les os et les excréments d'animaux. فإن كان الاستجمار بالأحجار متعينا متحتما لكان النهي مطلقا. Si le fait de se purifier les parties avec des pierres était spécifique aux pierres sans autres éléments, alors l'interdiction, elle aurait été générale. Le prophète, il n'aurait pas cité que ces deux éléments-là pour se purifier, comme interdiction. Mais vu qu'il a cité ces deux éléments, les savants, ils ont dit, فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِمَا. Et donc ça, c'est une preuve qui montre qu'il est permis d'utiliser autre que ces deux éléments-là pour se purifier. Et donc là, ça fait déjà 20 minutes, on va arrêter et on reprend donc demain, bi'idhnillahi ta'ala, on va terminer l'explication de ce hadith. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.